Break téléphone le boulonnais là. J'ai vu la photo de ton coin là. Il n'y a pas de mer. Ah, c'est vrai qu'il y a la marée. Hein. C'est toi que je vois sur la plage? J'ai vu un point noir sur la plage. Je savais pas si c'était toi ou une palourde. Chez moi, la mer, elle est bleue et puis elle s'en va pas. Hein. Ouais, c'est le sketch à Daddy Moon. Allez, Blair. Bon, les gars, moi je vais te laisser. Je suis dans Provence, moi, je suis dans le sud. Moi je vais te laisser parce que j'avais un boulot à faire ce matin. Là, j'ai une porte à peindre, j'avais tout préparé. Là, je me faisais une pause détente neurone avant d'attaquer ça. Je reviendrai un peu plus tard. Ouais, je suis dans le coin de Fort Calquier, Manosque. Paye-toi un micro, comme ça fait chat. Moi, j'en ai marre de taper sur mon clavier. En plus, j'ai un clavier à la con qui loupe les touches, là. Et des fois, je m'aperçois que je fais des grosses fautes de frappe parce qu'il prend pas toutes les touches. Bon, c'était bien, Gérald. T'as bien joué, hein. La prochaine fois, tu pourras mettre des frettes sur ta basse, et puis on ira un peu plus loin. Mais j'ai un clavier USB, mais j'ai acheté un truc à Marina. C'est un clavier souple, tu sais, tu peux le rouler. Ça prend pas de place, tu peux le passer sous l'eau, tu peux le laver, c'est étanche à tout, etc. La poussière au sable, tu le laves, tu peux renverser la bière dessus sans problème. Le problème, c'est que bah, si tu tapes pas bien sur les touches, et bah, ça prend pas les touches. Et moi, tant je pratique l'informatique depuis longtemps, et c'est vrai, je me suis aperçu depuis que j'ai ce clavier, je fais plein de fautes parce que ça bouffe les voyelles, le A des fois il sort pas, tout, etc. Donc je suis obligé de me relire avant d'envoyer. Et des fois, bon, je le fais pas. Je tape sans regarder, et puis j'envoie. Eh non, je disais, si tu peux renverser ta bière dessus, il continue de fonctionner, quoi. L'ancien clavier, c'est ce qui lui est arrivé. C'est du coca et de la bière dedans, et puis il était mort. Bon, je te laisse, j'ai du boulot. Allez, je te dis à plus. Ciao.